aborder quelqu'un pour demander de l'aide. Going down the list. Veuillez m'excuser. Excusez-moi, monsieur. Je m'excuse. Pardon, madame. Excusez-moi de vous déranger.